Retour dans la soirée avec Zaya, l'artiste. Bah alors, tout à l'heure, Zaya, tu nous disais donc que tu as commencé et que tu continues toujours à faire de l'impro avec une troupe qui s'appelle Improglio, c'est ça ? Improglio, oui, qui se trouve à Issy-les-Moulineaux. C'était ta première expérience théâtre ? C'était ma première... Improglio ? Improglio, oui, mais il y a 22 ans. Hein, c'est... Ah oui, c'est hier. Ah oui. Bob était déjà à la retraite. ça t'est venu comment ? Parce que c'est quand même... T'avais déjà de la famille qui faisait du spectacle ou... Pas du tout. Je ne suis pas une enfant de la balle. Oui. Ni des balles, d'ailleurs. non, c'est, je suis rentrée dans une association. Ouais. Et puis ensuite... Voilà. Ah oui, je fais des nœuds. Pas. Excusez-moi, ça les gars. Faut pas. Je fais encore des nœuds. Laissez-la nous raconter. Elle est en train de faire un Scooby-Doo avec le fil. Donc il y a 20 ans, t'as eu envie. T'es rentré dans une assoce. Voilà, comme je suis rentré dans une assoce. J'ai commencé à faire de l'impro. On s'est fait virer. On était six à se faire virer. Ouais, mais je parle pas du prof de théâtre. On s'est fait virer. Donc on a créé notre groupe. Ouais. Et puis voilà. Et puis depuis, on tourne, on écrit, on voilà. Oui, parce que maintenant, c'est une troupe renommée. Mais quand même, il y a un nombre, enfin je veux dire, c'est une troupe qui a pignon sur rue, mais c'est oui, quand même. Hein, bien renommée. Bah oui. Comme quoi, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ben voilà. Exactement. Et il y a eu donc Avignon en 2013. Oui, alors là, avec la gueule de l'emploi, oui. Avec ce spectacle-là. Avec ce spectacle-là, oui. D'accord. Et ça s'est passé comment, alors, Avignon ? L'expérience ? Alors, d'abord, c'était... Alors, il faut... Oui, c'était... Il faisait chaud. Il faisait chaud. J'avais pas de porteur pour mes flyers. Ça, c'était dur. Oui. Et non. C'était toi qui flyais toute la journée ? Je flyais. Et alors, je vous assure que c'est pas évident on n'y connaît rien. Moi, j'y connaissais rien la première fois. Hein. Je suis arrivée. Maintenant, je m'y prendrai pour le prochain spectacle. Je m'y prendrai certainement autrement. Ça, c'est clair. Hein. Parce que c'est tout un protocole, je vais dire. Hein. Je ne sais pas, Aymeric, tu dois connaître alors, ça. En étant d'Avignon, originaire d'Avignon, je connais ce festival en long, en large et en travers. Ouais, mais ouais. Je tiens à te dire, c'était beaucoup plus chaud à l'époque de la papauté. Il a la même coupe que Mathieu. Bon, ça, c'est mon côté historien sexuel. Oui. Non, mais c'est pas évident. Parce qu'en plus, en 95, tu avais 500 spectacles. Durant le festival. En 723, en 2001. Et j'en faisais partie, je faisais une pièce à la con. Et maintenant, 1300. Oui. Les choses évoluent et c'est très dur. Ouais. Et il faut remplir la salle. Il faut évident remplir parce que... la salle quand on est connu. Et juste une semaine après le début du festival, t'en as déjà un quart de la programmation qui se casse. Ouais. Ah oui. Ça marche pas, il y a personne et puis ils sont non mais ruinés, c'est pas ça, puis il faut quand même je pousse un coup de gueule, j'ai le droit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au début, c'était fait pour des troupes comme nous, des premiers spectacles, etc. Tout à fait. Maintenant, on voit toutes les vedettes américaines, enfin j'exagère, enfin vous comprenez. Donc nous, il faut se frayer un chemin, etc. Et puis comme le public a besoin de voir ce qu'il a déjà vu à la télé. Et oui. C'est plus compliqué encore. Tu sais ce qu'on dit là-bas, le dicton avignonnais, festivalier, c'est ce n'est pas les tracts morts qui sont ramassés par l'appel, c'est le mistral qui s'en charge. Ah, oh. Oui. Ah bah oui. Oh, enfin, moi, je suis... Il est poète. Made in Aymeric de Guy. Oui. Moi je suis d'accord. Oui. Supprimer tous les spectacles, sauf le mien. Voilà. Mais le tien, il a pas repris. Hein ? Il a pas repris. Si, je te rappelle le titre. Ah oui ? Maman dans ta gueule. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'oublie tout le temps. C'est vrai. Enfin voilà, c'était mon petit coup de gueule. Bah oui. Alors, c'est bien. On retrouve Zaya. On te retrouve sur Internet. Oui, Zaya l'artiste sur Facebook. Sur Facebook. Là, on verra. Zaya Z-A-I-A. Z-A-I-A. Oui, il y a pas de H. Voilà. Mm-hmm. L'artiste. Voilà, parce que je l'ai aspiré. Ah ben elle aussi. Hein. Et puis il y a le site internet aussi. Il y a le site internet, mon site internet, oui. Il y a des petits extraits, j'ai vu qu'il y avait des interviews et tout ça. Voilà. Il y a ma vie, Zaya, mon œuvre, enfin en partie. Point .fr. Voilà. Ah oui, c'est ça, zayalartiste.fr. Maurice a noté, c'est bien. Il a noté, Maurice. Oui. Oh, bon. Merci, Maurice. Alors, Zaya, une des premières choses à faire dans l'émission, c'est la tournée de blagues que nous entamons tout de suite. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. On commence par la blague d'Aymeric de Guy, qui est généralement une petite blague mignonne. J'adore, vous commencez toujours par le plus taré. Mais j'ai sélectionné une blague dans ma Torah. Non, je plaisante. Donc c'est ce qu'on appelle une marinade. C'est une blague qu'il faut prendre au second degré. C'est une blague qu'on pourrait croire raciste, mais qui ne l'est pas. Donc c'est l'histoire de deux Somaliens qui crèvent la dalle. Ah, on a faim, ils crèvent la dalle. Et pourtant, il y en a un, l'un qui dit à l'autre, mais attends, c'est bizarre, pourtant, on est négro. Oh là là, Oh là là, oh là là, oh, il y a pas mieux. Oh, il y a pas mieux. Ah non, là, alors là, non. Humour noir, hein. Attends. Oui. Attends, celle de Bob. Ah, la blague de Jérémy. Alors, c'est un directeur qui arrive dans le bureau d'un de ses employés et qui lui dit « Bah alors, vous ne travaillez pas ?»« Bah non, je ne vous ai pas vu arriver. » C'est marrant parce que Jérémy imite François Hollande, oui. Mais il pousse c'est un drôle. Peu le truc un peu loin, c'est-à-dire qu'il bouffe ses mots pareil. Là, tu nous as fait, je ne sais pas arriver. Enlève ton Nutella que tu as dans la bouche. Bon, non, Maurice, sponsor ah, bien ah, sûr. Oui. La blague de Maurice vous est présentée par la Cotorep. Cotorep, faisons bouger les handicaps. Dans le bon sens, j'espère. C'est dans une famille nombreuse, les frères et sœurs se disputent. Ah, bon. Alors bon, il y en a un qui dit « Quel âne ?» L'autre lui répond « Tête de cochon oh. !» Et le troisième dit « Espèce de dinde !» Et à un certain moment, la mère arrive et crie « Oh, la ferme oh !» Ah non. Ah oui, non. Oh, le jeu de mots. Ah, oui. Ah là là, bravo. Super. La blague de Bob. La blague de Bob vous est présentée par les ciseaux coupe-tout. Oui. La blague de Bob, sitôt racontée, sitôt coupée. C'est un type qui croise un copain dans la rue. Tiens, Albert, comment ça va ? Bah, ça va, mais tiens, figure-toi, ma belle-mère est morte la semaine dernière. Oh, merde, qu'est-ce qu'elle avait ? Oh, deux fois rien, une chaise, une table, un buffet. Bob. Oui. Ça fait au moins 2500 fois que tu nous l'as raconté. Oui, ah non, si, non, si. Non. Ah, si, tu devrais mettre des croix sur tes trucs. Ah, si. Ça, c'est tiens, on va te la retrouver pendant la pause musicale. On va la retrouver et on va la rediffuser. Tu nous la racontes au moins 3-4 fois par saison. Mais non, mais c'est qu'il prend la même feuille et il recommence toujours la feuille au début. Bon, pardon. Ça y est, t'en as encore un peu sur la suite. Après plusieurs mois de drague acharnée, un type parvient enfin à sortir avec sa collègue. Il l'emmène au restaurant, chez Quick, puis ils vont chez lui et passent la nuit ensemble. L'affaire est réglée en 5 minutes. Et merci pour le bruitage. Alors, chérie, dès que je t'ai aperçu, je n'ai eu qu'une idée en tête. Te faire l'amour comme une bête. Ah oui, d'accord, mais t'aurais pu choisir autre chose que le lapin, hein, merci. Ça se passe à Waterloo, la bataille est finie, Napoléon est complètement défait. Il arrive à l'auberge et il dit à l'aubergiste « Nous sommes vaincus !» Et l'aubergiste qui répond « Oh ben ça est con, j'ai que 19 chaises !» Alors, la blague de Zaya l'artiste. Alors, ma blague. Ce sont deux secrétaires qui sont dans un bureau et puis qui tapent comme ça à la machine. À l'époque, on tapait encore à la machine et elle dit... Voilà, et un qui dit « Oh là là là là, qu'est-ce qui s'habille bien le nouveau directeur ?» Et l'autre lui répond « Oui, et vite !» Alors Bernard. Alors, moi je vais en citer une. C'est une comédienne de théâtre qui demande à son metteur en scène « Dans quelle pièce m'as-tu préféré ?» Lui, il répond « Dans ma chambre à coucher. » Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. Allez, très bien. Allez, très bien. Une très courte pause et juste après, Zaya, on va avoir l'épreuve du trivial. Ça va être dramatique, mais ça va faire marquer des points. Vous allez voir. Il n'y a pas de question sur Roger Moore. Oh là là, on est... Non, ah oui, Frédéric Coster ne s'est toujours pas remis de son échec avec Roger Moore. On te racontera. Bon. Bah oui, mais on peut te le rediffuser si tu veux, on la garde en mémoire. Non, c'est bon, ça va. Restez avec nous, on revient avec Zaya, l'artiste. Ouais.